AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Je m'appelle Houda Farid Imam. Je suis palestinienne de Jérusalem. Je suis née ici à Sheikh Jarrah, donc Jérusalem, à l'hôpital Saint-Joseph, un hôpital français juste à côté de chez nous, à la maison. J'ai 60 ans. J'ai un fils artiste, Hani Amra, qui est franco-palestinien. Ma vie était au début un peu éparpillée entre la Martinique, où l'amour m'a amenée en Martinique. Et j'avais toujours la nostalgie pour Jérusalem. C'était un peu en Martinique que j'avais réalisé ce que ça veut dire, la nostalgie, en fait. Je ne connaissais pas aussi la terminologie d'avoir envie de quelqu'un ou envie de ce pays. L'air de Jérusalem me manquait, en fait. Hawa al-Quds. C'est le problématique, en fait, entre moi et le gouvernement israélien a bien commencé quand j'étais confrontée par cette loi qu'ils me disent, vous n'allez pas avoir votre carte d'identité renouvelée, puisque vous avez quitté le pays pendant 2 ans. Et votre fils, qui a 16 ans maintenant, on ne va pas lui donner la carte d'identité non plus. Donc vous trouvez une solution. Et ce problème, en fait, c'est le problème de centaines de Palestiniens. Des centaines de Palestiniens aussi qui veulent absolument vivre ici et qui n'ont pas d'autres passeports. Moi, encore, j'ai un passeport français, donc effectivement, ça me donne. C'est le fait que j'ai un passeport français me donne une menace énorme. Ça donne tout de suite la justificative ou le prétexte à Israël de se débarrasser de ces personnes qui ont d'autres passeports, d'autres nationalités. Les Palestiniens et la question palestinienne. Géographie, narratif et génération perdue. Somanina, Alain Lefkovitch. Mon père, quand il avait 25 ans, il a décidé de construire sa première maison dans le quartier de Baqa, donc du côté ouest de Jérusalem. Et quand on prend la rue Al-Silsila, la chaîne, la rue de chaîne, dans la vieille ville, tout à fait à côté de la mosquée Al-Aqsa, on traverse, on monte vers le quartier chrétien, en passant par le quartier juif, et on arrive à la porte de Jaffa, on prend le corridor, le chemin qui s'appelle Manilla, la sanctuaire de Dieu, qui divise, en fait pas qui divise, qui rallonge la vieille ville avec la nouvelle ville. Et à l'époque, il n'y avait pas Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Oui, mais ça, c'était avant la Nakba, avant 1948 et la première guerre israélo-arabe, déclenchée au moment même où Ben Gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. Après l'armistice, la Palestine est coupée en deux. D'un côté Israël, de l'autre la Jordanie. Entre les deux, ce qu'on appelle la ligne verte, une frontière qui n'était rien d'autre que la ligne de front au moment du cessez-le-feu du 3 avril 1949. Jérusalem est coupée en deux, avec les Juifs à l'ouest et les Arabes à l'est. Mais en 1967, cette ligne verte est démantelée, tandis que Jérusalem est qualifiée de libérée et unifiée. Aujourd'hui, cette ligne verte ne désigne en fait que la séparation d'Israël des territoires occupés de Cisjordanie et du Golan, ainsi que du territoire autonome de Gaza. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais toujours envie que mon père soit encore vivant, que je lui dise « Mais pourquoi vous êtes parti, papa ? Pourquoi vous avez laissé cette belle maison ?» Et donc, oui, j'élabore là-dessus parce qu'aujourd'hui aussi, quand on est palestinien et quand on raconte notre histoire, c'est comme si il n'y a rien de ça. C'est comme si on exagère, on raconte des histoires, on fabrique des scénarios. Donc, il était chassé. Il est parti de sa maison. Il est revenu dans sa maison de Bab el-Silsileh. Israël était établi, ils ont mis tout de suite la loi d'Absan, comme Mahmoud Darwish raconte d'ailleurs dans sa poésie, la présence de l'Absan. On est présent, mais on est considéré par Israël qu'on est absent. Mon père, il était toujours ici, dans Jérusalem. Il avait la clé de la maison, mais à un moment... La loi lui a interdit même de clamer sa maison. Avant 1948, il y a une douzaine de familles qui ont été, qu'on a offert en fait entre le gouvernement jordanien, puisqu'on était sous le gouvernement jordanien entre 1948 et 1967. Donc le gouvernement jordanien avec les Nations Unies qui s'occupent de réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a fait un accord que ces Palestiniens, une douzaine de familles, qui étaient chassés de l'ouest de Jérusalem, de Talbiyeh, et on va leur donner deux maisons à Sheikh Jarrah, et ça va être un peu une récompensation pour la carte de l'UNRWA qui leur permet d'avoir le statut de réfugiés. Donc, en 2009, le gouvernement israélien a décidé de donner la possibilité aux colons d'envahir Sheikh Jarrah. Donc, ils ont commencé un peu à envahir Sheikh Jarrah comme ils font à Silwan parce qu'ils veulent, ils l'appellent déjà la cité de David. Donc, ils transforment en fait toute la narrative. Aujourd'hui, il y a même quelques Palestiniens qui disent c'est la cité de David. Et je dis, mais ça ne va pas, ce n'est pas la cité de David, c'est Silwan, c'est l'essence de Jérusalem. Et c'est l'essence aussi de l'histoire de Jésus-Christ, en fait, Silwan. Et Sheikh Jarrah est devenu Shimon HaSadir. Et parce que c'est Shimon HaSadir, un endroit sacré, religieux pour les Juifs et les Israéliens, on va chasser les Palestiniens et on va pas intégrer, mais imposer des colons, en fait. Donc, ces familles sont parties de Talbiyeh, elles sont devenues réfugiées, donc deux fois, elles étaient expulsées de leur maison à Talbiyeh, et une autre fois, en 2009, elles sont devenues une deuxième fois réfugiées, parce qu'elles étaient expulsées de Sheikh Jarrah, donc de l'est de Jérusalem. Beaucoup de gens me reprochent le fait que je vais à l'ouest, mais quand je dis je vais à l'ouest, je vais... là où mon père a choisi de vivre avant 48, là où il y a ma grand-mère, depuis 200 ans, donc pourquoi pas aller à l'ouest? Au contraire, moi j'aime beaucoup l'ouest, j'aime beaucoup aussi la Palestine, la mer, Yaffa, Haïfa, plus que Jérusalem. Alors allons à l'ouest. Allons à l'ouest, yallah. Là, nous sommes dans le quartier de Mousrara. Donc, on est sur la ligne verte. On est sur la ligne verte entre l'est et l'ouest. Et on voit le tramway. Quand on entre dans le tramway, on voit qu'il y a pas mal de Palestiniens qui prennent le tramway parce que ça va jusqu'au Shafat. Mais ça ne va pas dans le quartier Anata, le Shafat et Caen, tout ça, comme ça va dans les colonies. C'était, de toutes les manières, c'était établi pour servir les Israéliens et surtout les colons. Et tout ce qui est infrastructure à Jérusalem-Est, Et entre l'Est et l'Ouest, toute l'infrastructure, les ponts, les rues, ça sert aux colons israéliens. Et ça sert pour éviter que le colon israélien ne passe pas par les petites rues là où il y a les Palestiniens. Donc ils font tout pour nous séparer, en fait. Ça va? Oui, oui, oui. Oui, j'ai des palpitations quand je suis ici, donc c'est normal. Et j'ai très envie d'entrer, mais je ne veux pas provoquer les gens qui sont ici. Et je ne sais pas s'ils sont tous au courant que ça, c'est une maison palestinienne, une maison qui était confisquée, tout ça. J'ai très envie de frapper à leur porte pour leur dire « Bonjour, voilà, je m'appelle Houda Imam, c'est la maison de mon père. Est-ce que je peux entrer comme ça pour juste sentir un peu... À mon avis, quand ils ont choisi d'acheter, ils ont choisi particulièrement cette maison qui coûte très très cher, puisque je pense que le rez-de-chaussée était vendu à 5 millions de dollars et le reste des appartements encore peut-être 1 ou 2 millions chaque appart. Mais honnêtement, j'avais très très envie d'avoir ces millions, quelques millions de dollars à l'époque pour dire à Netanyahou, ok, tu veux de l'argent, tiens, je repossède la maison de mon père, même si je dois payer encore une fois et que je n'ai pas eu de rémunération, mon père n'a pas vendu, j'achète la maison pour y vivre. Et c'est pas la maison, la terre ou la pierre de la maison, mais c'est tout ce qui est, tout ce que cette maison contient comme histoire, tout ce que cette maison contient de douleurs aussi. Mais elle est très très belle, oui. Très belle. Je suis très émue d'être ici et j'ai envie de même de toucher tout de ça et ça et ça et ça. Et... Encore une petite rose. On y va? Avant que la police vienne. You can see the different life and different. Hatem Totar, notre chauffeur. Tu vois la différence de vie, les constructions et les infrastructures inégales entre l'Ouest et l'Est. L'Est est complètement délaissé. Les routes sont mauvaises. Tu vois les ordures? C'est la différence entre Ouest et Est. Ici, les gens vivent comme des Alababallah, comme on dit chez nous, des renégats. La plupart des habitants de Silouane sont arabes. Mais certaines maisons sont occupées par des colons qui sont sous la protection de l'IDF. Israeli Defense Force. Tous font appel à des services de sécurité privés pour se protéger, car ils vivent dans des maisons palestiniennes, des maisons confisquées. Nazmir Jourbé, professeur d'histoire à l'université du Bir Zeit. Quelqu'un est venu avec l'idée que David s'est promené un jour dans un jardin qui se situait à cet endroit. Et donc il faudrait recréer au même endroit le jardin de David. Ce qui est un non-sens total car nous n'avons aucune preuve que David ait mis les pieds à Jérusalem. Son nom n'a jamais été mentionné dans aucun texte et dans aucune découverte. David nor Solomon were just ghosts in the history of Jerusalem, but tout comme Salomon n'existe pas dans l'histoire de Jérusalem, mais il faut les faire vivre à nouveau comme des personnages fantastiques avec leurs symboles religieux. Leur inventer un espace qui leur appartient pour justifier la destruction des maisons palestiniennes. Mais cet espace imaginaire pose deux problèmes. Le premier, c'est le narratif. Le second, c'est qu'ils instrumentalisent l'archéologie pour contrôler la terre. Si on prend la question du narratif, ils ignorent totalement les réalités. Et aujourd'hui, avec les tunnels qu'ils ont creusés sous Jérusalem, ils contrôlent absolument le narratif. L'archéologie aujourd'hui dans la vieille ville de Jérusalem est totalement sous le contrôle des organisations de colons. Les colons apportent l'argent et ils fouillent, excavent des choses qui correspondent à ce qu'ils veulent raconter et leur permettent d'établir un contrôle. L'archéologie, c'est toujours un enjeu politique. C'est pourquoi elle a toujours été mal utilisée et aujourd'hui, elle l'est plus que jamais. La première vague de fouilles archéologiques a eu lieu au XIXe siècle. Lorsque les archéologues européens sont arrivés en Palestine avec, dans une main, l'Ancien Testament, la Bible, et dans l'autre, des pelleteuses. Ce qui veut dire qu'ils voulaient trouver la Bible dans l'archéologie. Ah, il ne veut pas rentrer. Non, non, je cherche à faire rentrer le chat, là. Ou à le faire sortir. Allez, viens. Il a peur du noir. Allez, allez, va, allez, allez, allez, un petit effort. Allez, allez, voilà. Oh. Oh. Voilà, asseyez-vous. Quand on fait l'option de la Palestine en 1993, il y a quand même une option prise. Clair, net, sans équivoque. Laquelle ? J'allais dire pas politique. Le père Humbert est archéologue. Il fouille cet endroit du monde depuis 1969. Notre but était d'abord d'essayer de convaincre les Palestiniens qu'ils avaient un patrimoine qui méritait d'être gardé, conservé, développé, parce que ça fait partie de leur identité. Or, le problème palestinien est aussi un problème identitaire. Je dirais d'abord comme archéologue, je dirais comme archéologue au pluriel, un archéologue confirmé, compétent et intelligent sait que l'archéologie n'a pas de frontières et que l'archéologie est au-dessus des patrimoines ethniques. Par exemple, un Israélien m'a dit une fois dans une assemblée, faut-il prouver que Jérusalem est juif ? Ben, je lui ai dit oui, évidemment. Et vous essayez de le prouver, vous n'êtes pas sûr de réussir. C'est pas parce que c'est juif que c'est israélien. On ne peut pas confondre les deux notions. Que ça fasse plaisir ou non. Donc, il y a... Je dirais, en plus, c'est le deuxième aspect qui, évidemment, m'attire beaucoup d'antipathie. Le patrimoine appartient aux habitants dans un lieu, dans un pays, sur une terre qu'ils habitent depuis des siècles. Pour faire un patrimoine, il faut 400 ou 500 ans, minimum. Israël arrive il y a 70 ans ou 80 ans, ils n'ont pas eu le temps de faire un patrimoine. Ils n'ont pas de patrimoine. Il n'y a pas de patrimoine israélien. Ça n'existe pas. Il y a un patrimoine juif, puisqu'ils sont juifs. Mais ce patrimoine juif israélien, il est dans la diaspora. Il est resté au Yémen, il est resté en Irak, il est resté en Égypte, il est resté au Maroc. Donc, il faut bien distinguer, il n'y a pas de patrimoine israélien. Ils n'ont pas eu le temps d'en faire un. Donc, le patrimoine du pays, quel qu'il soit, et quelle que soit la période, il est palestinien, puisque les Palestiniens sont de souche. Il y a une continuité dans le pays, depuis le bronze moyen, donc c'est vieux, hein, depuis le bronze moyen, ça traverse toutes les périodes, avec plus ou moins de bonheur, mais on arrive à l'an zéro, ça continue encore, il y a encore le temple debout, les Romains s'en occupent, détruisent le temple. Pour la conscience juive, c'est la fin d'un monde. Mais les gens ne sont pas partis. L'élite juive, religieuse et politique s'est exilée sur la côte, puis du côté de Ramallah, ils ont quitté Jérusalem. Mais tous les gens en Palestine et dans Jérusalem sont restés dans Jérusalem et dans la Palestine. Donc les vrais propriétaires de la terre, de père en fils depuis l'an zéro, depuis l'an 70, ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Et même si on creuse un peu dans les archives, même Ben-Gourion l'a dit en 1929, parce qu'il n'était pas yo, il était cultivé, il a dit ce qui va être difficile dans notre propagande, c'est que les vrais descendants des Juifs du 1er siècle, ce sont les Palestiniens. Maral Khoutiene, notre fixeuse en Cisjordanie. Alors on arrive où, Maral ? Et on va arriver bientôt, dans 4 minutes, à Ekret, et une village palestinienne sous les frontières avec le Liban, qui était détruit. Et en 1948, la majorité des habitants de Ekret, ils sont des chrétiens maronites et catholiques. Hi Amir, kifak, sawahak kifak. C'est Amir, il est la troisième génération de la village Ekret. Je crois qu'il prend des herbes. Amir Ashka, 28 ans, palestinien d'Israël, philosophe, spécialiste de littérature anglaise et désormais vigneron. My grandfather, she used to make wine, and my grandfather also used to help her. She was the winemaker. But yeah, so my grandfather. Ma grand-mère était vigneronne. Avec l'aide de mon grand-père, il faisait du vin. Mon père participait aussi. Il était un peu fasciné par cela. À un moment donné de sa vie, à la fin des années 90, il est allé travailler dans la Silicon Valley. He's in the high-tech business, and then he came back to the Galilee. But il est ensuite revenu en Galilée, autour de 2008. I think it was around 2008. We were just driving. En prenant les routes vers Ekret, il a remarqué que des vignes étaient plantées ici. Being planted here. Il savait qu'il y avait de vieilles vignes dans la région. Les vignerons les arrachaient parce qu'elles étaient très peu productives. Je voulais moi aussi créer un vignoble. Mais c'était compliqué à réaliser car toutes les terres sont confisquées. Nous avons quand même planté des pieds de vigne, ce qui est illégal. Les Israéliens ont arraché tout ce que nous avons planté, toutes sortes de plantes. Les figuiers aussi, absolument tout. Tout ce qu'il y avait sur cette colline, mais aussi tout ce que nous avons planté plus bas. Nous avons décidé de les replanter à nouveau. Et pour surveiller nos plantations, il y a toujours quelqu'un qui est présent ici. On ne s'absente même pas pour une minute. Quand je suis arrivé aujourd'hui, Gidal était là. Maintenant que je suis là, il a pu partir. Et c'est toujours comme ça. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours du monde ici. Vous trouverez toujours quelqu'un ici. L'endroit n'est jamais vide. Nous avons commencé par planter des choses simples, des figuiers. Ils n'ont pas simplement détruit le village, ils ont également détruit la géographie. La géographie d'Ikrit est celle de toute la Palestine. Le projet était de désarabiser l'endroit. Et donc ils ont commencé à détruire toutes les plantes qui poussaient ici naturellement, comme les figuiers qui étaient le symbole d'Ikrit. Sur la colline qui est juste en face de nous, il y avait 400 hectares de figuiers. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul figuier. Ils ont planté à la place des pins. Mais pas des pins de Méditerranée ou du Liban, ils ont planté des pins originaires d'Europe. C'est ironique, mais cela leur rappelle leur pays d'origine, l'Allemagne ou je ne sais quel autre pays. J'imagine qu'ils voulaient se sentir comme chez eux. En plus, quand il fait chaud, cette variété de pins sèche et sécrète une sorte de résine qui se répand sur les sols et qui tue toutes les plantes qui poussent ici naturellement. Tout ça pour nous obliger à aller dans les supermarchés. Parce que vous savez que lorsqu'ils ouvrent des commerces, ils contrôlent votre économie. Ils vous contrôlent. C'est pourquoi il est illégal de cueillir du za'atar aujourd'hui. Nous voulions donc en partie recréer une sorte de géographie avec ce projet de plantation. Vous ne vivez pas ici, vous ne pouvez pas comprendre toute la situation. Il faut au moins rester plus d'un an pour comprendre et voir chaque partie de la Palestine et d'Israël. À droite, on peut se retrouver en Israël. Quelques mètres plus loin, c'est la Cisjordanie. Et encore quelques mètres plus loin, c'est Jérusalem-Est. C'est très difficile à expliquer. La géographie pour nous, c'est pour les Palestiniens, c'est quelque chose de très important. Majdi Malki, professeur de sociologie à l'université de Bir Zeit et chercheur à l'Institut des études palestiniennes de Ramallah. Surtout pour les nouvelles générations qu'ils ne connaissent pas. Pour parler avec les jeunes, pour aider les jeunes à maintenir une mémoire, et ça c'est très important pour nous parce que les Israéliens, les mouvements zionistes, ils ont construit leur État en disant que la Palestine c'était une terre sans peuple, pour un peuple sans terre, et donc ça c'est faux, complètement faux comme argument, et je crois qu'on essaye là de répondre à cet argument-là. Alors dites-moi, dans cette salle, qu'est-ce qu'on fait ici avec toutes ces étudiantes qui sont devant des ordinateurs? Qu'est-ce qu'elles font? Voilà, elles sont en train de digitaliser l'acte de propriété des Palestiniens, de tous les terrains palestiniens avant 1948. En Palestine, la région côtière, tous les villages autour de Haïfa, Yafa, et tous les territoires palestiniens occupés avant 1948. On a pris les documents de l'ONU et on les digitalise pour présenter, pour garder ces documents pour l'avenir. Et c'était la base d'une négociation possible avec les Israéliens pour discuter de tout ça, parce que bon, ce sont des propriétés palestiniennes qu'on doit bien sûr rembourser et tout, ou trouver une solution. Donc voilà, c'est garder le droit des Palestiniens, c'est pas seulement le droit matériel, mais le droit aussi imaginaire et voilà, c'est moral. « Beaucoup de gens à Gaza ou en Cisjordanie ont gardé la clé de leur maison. Hanine Batlaoui, jeune journaliste de Ramallah. Ils espèrent y retourner un jour, mais il n'y a rien à espérer. Leur maison n'est plus là. Elle a été démolie et des Israéliens vivent dedans maintenant. Mais c'est le peu d'espoir que nous avons encore. Retourner dans notre maison. J'étais avec des amis l'autre jour et ils me disaient « Ce bout de terre revient à mon cousin. Ce bout de terre revient à ma famille. Ce bout de terre est pour un tel. » Et j'ai dit « Tu sais quoi, je suis une réfugiée. Je vis dans une maison, j'ai une carte de réfugiée. Je vis dans une maison, mais je n'ai même pas un olivier parce que je ne vis pas dans mon village natal. » J'achète des olives et de l'huile d'olive et je suis triste. Je veux retourner chez moi. Je veux me sentir appartenir à une terre. J'aime Ramallah. C'est un de mes endroits favoris sur Terre. Mais je veux aussi me sentir libre dans mon pays natal. What does it mean to be a, ça veut dire quoi d'être un jeune Palestinien aujourd'hui en Israël? It's very difficult, both psychologically, both mentally. C'est très difficile, aussi bien psychologiquement que mentalement et culturellement. Je veux dire, à cause du racisme permanent, à cause du fascisme permanent, tu n'as pas l'impression de faire partie d'une communauté en fait. You just don't feel part of this community really. When you were a kid, mais alors quand vous étiez jeune, dans quelle école alliez-vous? Dans une école publique israélienne avec des enfants israéliens? Une école publique. C'était à Kfour Yassiv. Tout était en langue arabe, en palestinien quoi. Mais bien sûr, le programme scolaire était israélien. C'est ça l'hégémonie. Les ouvrages sont écrits par les Israéliens. Mais tout dépend des enseignants. Certains étaient intellectuellement conscients et très investis, actifs politiquement. Ils nous enseignaient des choses au-delà du programme. Certains nous parlaient du massacre de Deir Yassin. Nous avions un cours, mais un cours officieux. Si le gouvernement l'apprenait, ils auraient eu des problèmes. Mais bien sûr, ils évoquaient toujours le contexte palestinien. Ils nous apprenaient la Nakba, ce qu'ils appelaient l'indépendance. Ils n'utilisaient pas le mot Nakba dans les livres d'histoire. Ils enseignaient l'histoire, mais basée sur l'histoire juive ou musulmane. Car pour eux, la Palestine est plutôt associée à l'islam. Jeunes Palestiniens aussi, ils cherchent que de garder le mémoire, de garder leur capacité à défendre l'argument palestinien contre l'argument zioniste qui domine malheureusement la scène internationale. Et on a des étudiants maintenant qui viennent d'étudier en Cisjordanie, et ça c'est très important. Et aussi, on essaye quand même de faire quelque chose comme, par exemple, des films, des visites. Pour eux, ce qui est important, c'est de savoir encore plus concernant tout ce qui se passe dans les différentes régions palestiniennes. Et différentes communautés palestiniennes, disons, communautés entre guillemets. Parce que, bon, quand on parle des Palestiniens qui vivent au Liban, quand on parle de leurs difficultés, ça c'est quelque chose qu'on ignore comme des jeunes ici. La même chose pour les Palestiniens qui sont à l'intérieur. Alors, quelquefois, on développe une négociation, un débat entre les différents Palestiniens dans différentes communautés. Et ça, c'est, pour eux, c'est quelque chose de très important. Let's go. On est plutôt dans une position de survie plutôt que de résister ou de reconquérir quelque chose. Hani Amrahani, jeune artiste palestinien. Donc on est plus dans une position d'adaptation. On essaye de s'adapter. On ne sait pas très bien ce qui nous attend. On ne sait pas quel sort nous est réservé exactement. On est plutôt dans le vide. On met pas trop d'espoir dans des choses qui n'existent pas. On essaye de faire avec ce qu'on a. On apprend le détachement. On essaye de baisser un peu le niveau de nos ambitions. On vit dans un système colonial où on est administré par des gens dont on ne comprend pas la langue, on ne comprend rien à ce qui se passe. On n'a pas de plan pour l'avenir, on n'a pas d'attente, on n'a pas d'espoir particulier, on vit le jour le jour. There are three Israels. Il y a trois Israëls. There is Israel of Tel Aviv. All of them have European citizenship. Il y a Israël de Tel Aviv, où ils ont tous un passeport européen, font des affaires avec l'Europe. Ensuite, vous avez les colonies en Cisjordanie, avec leurs organisations et leurs systèmes sécuritaires. Et finalement, vous avez l'État de Jérusalem. The state of Jerusalem is split. L'État de Jérusalem est divisé en trois parties. 40% Arabes, Palestiniens. 40% de Palestiniens arabes, 30% de juifs ultra-orthodoxes, 30% de juifs laïcs et à moitié laïcs. Donc l'État de Jérusalem est contrôlé principalement par les colons de Cisjordanie qui considèrent Jérusalem comme un lieu à judaïser afin d'éviter de futures séparations ou de divisions de la ville entre Palestiniens et Israéliens. So the settlers are investing tremendously in Jerusalem and with using all of the religious feelings. Donc les colons investissent massivement à Jérusalem et en ayant recours aux sentiments religieux et aux narratifs religieux, vous pouvez récolter des millions et des millions de dollars auprès des juifs américains, des juifs français et bien d'autres qui soutiennent aveuglément ces groupes. Ils croient que ces groupes recréent la vie juive à Jérusalem. Aujourd'hui, 40% de ce Jérusalem unifié est constitué de Palestiniens. Ils sont considérés par le gouvernement israélien comme des ennemis. Ce qui signifie que Jérusalem est un endroit très dur à vivre pour nous et pour les Israéliens, car 80% des Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont réussi à détruire notre communauté en créant des colonies au milieu de nos communautés palestiniennes. Au sein même des communautés palestiniennes, il y a donc des colonies. À l'intérieur des maisons palestiniennes, nous avons des colonies et nous vivons dans une communauté très inégale. Nous avons perdu tout notre tissu social dans cette ville. Il n'y a plus de tissu social palestinien ici. Et au-delà de Jérusalem, il y a aussi des colonies juives. Donc, nous sommes totalement sous le contrôle des colonies avec leurs nombreuses caméras de surveillance, leurs checkpoints, leurs murs. Je dirais que nous avons donc une communauté palestinienne marginalisée à Jérusalem. Nous sommes cleaning everything in West Jerusalem. Nous nettoyons tout. Nous nettoyons les rues, les hôpitaux, les écoles. Nous nettoyons les restaurants, les hôtels. Le voilà, notre monopole. Nous assurons tout le transport à Jérusalem-Est. Bus, taxi, ambulance. Nous sommes les médecins dans les hôpitaux. Nous sommes la majorité de ceux qui travaillent à Jérusalem. Si demain nous nous mettons en grève, Netanyahou ne pourrait rester une heure dans sa maison car tout deviendrait sale et personne ne pourrait se rendre au travail ni dans les écoles. and they cannot go to home, to any work or to any school. Ce qu'on voit le plus à Jérusalem, c'est les travailleurs palestiniens. On les voit partout, en train de construire des choses qu'eux-mêmes ne savent pas. Ils construisent des colonies, ils construisent des routes, ils construisent tout. Parce que c'est une ville qui est tout le temps en chantier, depuis 50 ans. C'est des innovations constantes. Donc c'est des territoires qui sont grignotés, centimètre par centimètre, minute par minute. Et donc, il y a une forme de, j'ai pas envie d'utiliser des termes un peu trop forts, de purification, mais de nettoyage un petit peu, c'est-à-dire que tous les quartiers qui sont un peu abandonnés deviennent de plus en plus propres et populations évacuées, remplacées très progressivement, donc dans le silence le plus total. Donc on le voit dans la vieille ville. On voit d'abord des implantations de juifs extrémistes qui prennent le risque d'habiter en plein dans un quartier défavorisé palestinien. Et après, petit à petit, donc qui est entouré de gardes de sécurité, de mercenaires venus d'Europe de l'Est, d'Éthiopie, d'un peu partout, des États-Unis, d'Australie, de partout. Et petit à petit, quand le quartier devient plus propre, on voit qu'il y a des travaux, donc toujours ces travailleurs palestiniens qui travaillent. Et petit à petit, quand le quartier devient plus propre, il y a plus une population moins extrémiste juive qui déménage, par exemple les juifs français. Et petit à petit, les quartiers se transforment comme ça. Notre existence, c'est une sur le territoire palestinien, c'est une résistance de façon ou autre. Même si on fait rien, seulement pour être ici, en Palestine, de faire une famille, de construire, de vivre, de continuer à vivre, c'est une lettre très claire aux Israéliens qu'il y a un peuple palestinien, il y a quand même des gens qui sont contre leur politique. Et c'est ça qui réunit tous les Palestiniens. Et c'est pour ça qu'on dit aux jeunes, toujours à l'université, qu'il faut réfléchir avant de quitter le pays. Parce que, bon, c'est pour nous, c'est la cause palestinienne. C'est très important, et démographiquement. Yasser Arafat, pour lui, c'est de faire des bébés, d'avoir des enfants, c'est très important parce que aussi il y a la guerre démographique entre nous et la cause palestinienne continue tant qu'il y a des Palestiniens et tant qu'il y a des sur leur terrain et tant qu'il y a des jeunes aussi capables de vivre, d'avoir l'identité palestinienne et la moyenne. Pour nous, les Palestiniens, on est capable de gagner la guerre parce que bon, le taux de fécondité est très important chez nous, plus que les Israéliens. Mais il faut pas oublier que quand même la politique israélienne qui fait beaucoup de planning concernant le taux de fécondité pour renforcer leur existence démographique, surtout dans les colonies, parce que par exemple maintenant on a 700 000 colons en Cisjordanie, bien sûr les moitiés presque sont à Jérusalem, mais autour de Jérusalem. Mais oui, c'est une guerre très importante pour nous, et je crois on est capable de faire quelque chose, mais il faut avoir quand même une politique très claire de l'autorité palestinienne pour soutenir les jeunes, pour qu'ils tiennent bon sur leur terre et de les aider à construire une famille, des familles palestiniennes, quoi. As for myself, En ce qui me concerne, je ne suis pas mariée et je n'en ai pas envie, car je crois que c'est un énorme défi d'avoir un tel engagement face à toutes ces problématiques. Si jamais je me marie, je ne veux pas avoir d'enfants, car ce serait injuste de les obliger à vivre dans cette ville où ils n'auraient pas la possibilité de vivre leur enfance convenablement. Que feraient-ils ici de leur vie ? Usually we hear that about a generation that was lost due to the fact of being refugees. There was just a Nous entendons parler de la génération perdue à cause de notre statut de réfugié. Il y a eu une génération qui n'est même pas née car les conditions étaient extrêmement difficiles. Beaucoup de gens n'ont eu qu'un ou deux enfants. Et pour les Palestiniens de la génération précédente, c'était inconcevable car ils avaient au moins 5 ou 6 enfants. Vous savez, mes amis me disaient qu'ils avaient 8 oncles ou 7 tantes, 9 tantes. Moi, je n'en ai que 2. Si je n'avais pas été réfugié, j'en aurais eu plus. C'est une tragicomédie, comme de l'humour noir parfois. Les Palestiniens sont très connus pour cela. Que voulez-vous dire ? Parfois, nous faisons des blagues sur des choses qui ne sont pas drôles et qui font pleurer les gens. C'est ça quand vous essayez de faire face. Je dis rire à l'extérieur alors qu'on est meurtri à l'intérieur. Nous sommes des post-traumatisés, je crois. Nous avons toujours ce trauma, mais nous l'avons en quelque sorte dépassé aussi. I believe that every Palestinian is is traumatized in a way, whether it was a male or a female. So we all have. Je crois que tout Palestinien est traumatisé en quelque sorte, les hommes comme les femmes. Nous avons tous des problèmes psychologiques non résolus depuis notre naissance. We got into since we were born. For example, now when I was telling you that une fois, une soldat israélienne m'a pointé une arme. Mais elle-même, elle avait peur. Moi, j'en ai ri. Mais quand j'étais petite, c'était vraiment effrayant. C'est comme si on avait perdu en quelque sorte nos émotions. On ne ressent plus rien. On n'en a plus rien à faire. On est blindé. Donc nous avons tous des problèmes psychologiques. La vie n'est pas facile ici. Ce n'est pas facile et en même temps, je ne veux pas vous dire que la vie est impossible. Nous trouvons bien des façons de vivre. Nous apprenons, nous chantons, nous dansons, nous fréquentons nos amis. Nous courons, nous faisons du sport, nous buvons, nous fumons, nous faisons tout. Nous blâmons toujours l'occupation israélienne. Bien sûr, c'est un des maux de ce que nous vivons, mais ce n'est pas la principale raison. Nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos de l'occupation. Nous ne pouvons pas blâmer l'occupation pour les crimes d'honneur. Nous ne pouvons pas blâmer l'occupation pour notre mauvais niveau d'éducation. Ce qui ne serait pas vrai en plus, car en Palestine, nous avons un niveau élevé d'éducation. Tous les Palestiniens ont la même vision. Adnan Trousseini, membre de l'exécutif de l'OLP, en charge des affaires de Jérusalem. Tous les Palestiniens attendent le jour où ils vont construire leur État. Mais alors pourquoi cette division entre le Hamas et le Fatah ? Tout le monde a son point de vue. There was a change in this. And it leads for this division. Il y a eu des changements et ensuite cette division. Easily. Aside wanted. Chacun veut imposer sa méthode, sa façon de faire. C'est comme ça. They wanted some other way. This is. Mais les deux ont le même but, la Palestine. They wanted to go there to Palestine. Et nous savons tous qu'un jour cette division s'arrêtera. Nous n'avons pas le choix. Voilà. Maral, ça fait 10 jours qu'on travaille ensemble. Ce soir, nous sommes à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, dans une vieille maison jérusalémite. Est-ce que tu peux nous décrire cette maison et depuis quand vous habitez ici ? Ça fait presque 49 ans. Derrière nous, c'est le quartier juif. Et on a des colons autour de nous. En fait, dans cette maison, on a deux jardins. Et ce jardin souffre depuis 2013 et des attaques des colons. Ils jettent tous leurs poubelles dans notre jardin. Et si on veut nettoyer ces poubelles, ça va nous coûter presque 5 000 ou 7 000 euros. La deuxième truc, on a besoin d'un endroit de sortir avec la poubelle. Et la seule et endroit, c'est par leur propriété. On peut dire la terre qu'ils sont confisqués. Et on a essayé plusieurs fois de demander à la police israélienne de trouver une solution. Depuis 10 ans, et donc ma mère, avant moi, elle a entendu une voix dans le jardin. Un colon, il a commencé de insulter et crier. Et il a dit, donne-moi ton maison, je vous donne beaucoup d'argent. Il a dit non. Il a dit, ok, allez chez Erdogan. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec Erdogan? Il a dit, ah, ok, allez chez le pape. Dans les dernières années, on a soutenu pas mal des attaques, des clashs entre les colons et les chrétiens. Parce que la majorité des chrétiens, ils avaient plein d'églises, plein de propriétés dans la vieille ville de Jérusalem. Et les colons qui avaient le pouvoir avec le gouvernement israélien dans la Knesset, ils pensent d'abord qu'ils savent leur droit d'avoir la propriété dans la vieille ville de Jérusalem, parce qu'ils sont juifs, ce pays est à eux, et Jérusalem est vraiment sacré que pour les juifs. J'aime pas dire juif, parce que comme palestinienne, je veux dire que j'ai pas de problème avec les juifs, j'ai le problème avec les colons israéliennes, avec les israéliennes, avec Israël, avec le zionisme. Je reviens. Les mères palestiniennes, désolée. Aujourd'hui, dans un pays qui cherche à se fabriquer une géographie, une histoire, une archéologie, etc., un patrimoine, mais il leur faut un noyau dense, un noyau dur. Et ce noyau dur, c'est Jérusalem, et au cœur de Jérusalem, le mur. Et ça, c'est une fabrication. Totalement. Mais pourquoi Israël dérape dans la fraude ? Parce que personne ne les empêche. C'est un mouvement totalement naturel. Si on ne les empêche pas, ils progresseront. Le problème israélo-palestinien, et s'il doit être réglé, j'espère qu'il le sera un jour, il n'est pas réglé ici. Il est réglé en Occident. C'est un problème de politique internationale. Il faut que l'Occident dise à Israël, vous vous arrêtez, mais personne ne dit, vous vous arrêtez. On n'a jamais eu un État vraiment. On a une autorité palestinienne. C'était une étape vers l'État, l'indépendance. Et là, l'autorité est devenue une mairie qui gère la vie quotidienne des Palestiniens surtout, sans vraiment capacité de déterminer l'avenir de la région. Concernant la politique israélienne, c'est un gouvernement, c'est vrai, plus extrémiste, mais plus franc pour les Palestiniens et pour l'avenir de la Cisjordanie. Je crois qu'il n'y aura pas vraiment deux États. C'est terminé, la solution. Oslo, c'est terminé depuis longtemps. Et je crois que l'autorité palestinienne, ils ont tort d'accepter d'être voilà, un témoin incapable de faire quoi que ce soit. Un témoin qui est vraiment passif et comme le croissant rouge. Ça, c'est pas le rôle de l'autorité palestinienne. Mais c'est devenu comme ça. Et les Palestiniens voient l'autorité comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça la grève partout maintenant. Donc, ça veut dire que bon, il y a vraiment une crise très importante, très dangereuse concernant l'autorité palestinienne. Parce que bon, l'OLP c'est terminé. Et je vois pas comment on peut faire face à la politique de Ben-Gvir. C'est ça qui prépare le terrain d'une catastrophe vraiment importante et troisième catastrophe après le 67. C'était Les Palestiniens et la question palestinienne, géographie, narratif et génération perdue. Avec Majdi Malki, Hatem Totar, Maral Khoutiene, Anand Husseini, Anine Batlaoui, Amir Ashka, Hani Amrahani, Nazmir Jourbé, Houda Farid Imam et le Père Humbert. Avec pour ses traductions les voix de Rafik Zénine, Benjamin Hu, Anaïs Isabert, Renaud Dalmar et Baptiste Murier. Merci à l'Institut du Monde Arabe pour son aide précieuse, à Leila Shahid pour ses conseils et ses contacts, à Chantal et à Anouar Abouachier, à Bernard Thibault et aux bénévoles de la Maison d'Abraham qui nous ont logés à Jérusalem, ainsi qu'à Frédéric Mettezo pour ses conseils avisés et son aide indispensable. Merci enfin à Véronique Le Falleur et à Antoine Villoz. Prise de son Claire Levasseur, Benjamin Vignal et Valentin Bobinet. Mixage Claire Levasseur. Attaché de production Anaï Morales. Attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier. Coordination Perrine Carrand. Un documentaire d'Alain Levkovitch réalisé par Somanina pour la série documentaire. Thank you.